إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication du livre Al-Haqiqatul Wala wal Bara fil Kitab wa Sunnah, écrit par le Cheikh Issam ibn Abdullah As-Sinani et relu et préfacé par le Cheikh Dr Saleh ibn Fawzan Al-Fawzan. Donc on a expliqué au dernier cours les éléments ou les choses yani parmi les choses qui font partie des mu'alat al-kufriya. Les mu'alat al-kufriya, c'est-à-dire les formes du fait de prendre pour allier les kuffars, et les éléments qui font sortir de l'islam par rapport à ça, et on a expliqué que c'est le fait de les aimer, et d'aimer leur mécréance, d'aimer leur religion, d'aimer leur shirk, leur kufr, leur fausse croyance. C'est ça qui fait sortir de l'islam. Maintenant, on va parler de l'autre catégorie, la deuxième catégorie, al-mu'alat ou al-fisqiyya. Al-mu'alat al-fisqiyya, c'est-à-dire qui est fisq, qui est péché, qui fait partie des grands péchés. Donc, toutefois, ça ne fait pas sortir de l'islam, ou ça ne fait pas nécessairement sortir de l'islam. Le cheikh, il mentionne, pour commencer, des citations des ulama. Et il a mentionné neuf citations. Il a fait neuf citations des ulama pour clarifier ce point. Après, il mentionne les preuves pour classifier les différents degrés de mu'alat par rapport au kufr et l'absence de kufr. Et il ramène à ce sujet-là quatre preuves. Quatre hadiths, et chaque hadith, il ramène à leur sujet des paroles des ulama. Donc, il mentionne par exemple le hadith de Hatib. Hatib. Et il l'explique, il mentionne les paroles des ulama au sujet de ces preuves-là. Donc après il mentionne d'autres hadiths, on va pas tout lire dans qu'est-ce qui est mentionné parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà expliquées dans le livre auparavant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont citées ici, c'est des choses qu'on a déjà lues une ou deux fois ou plus même. Donc on va juste essayer de résumer ou clarifier les points les plus importants pour essayer de faire comprendre. Donc le cheikh il explique ici. الذي هي يعني القسم الثاني الموالاة الفسقية هي الموالاة المقيدة أو الخاصة التي لا يكفر مرتكبها وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وبغض الكفر وأهله وإعانتهم ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج صاحبها من الإسلام، لأن مجرد النصرة العملية للكفار على المسلمين دون عقيدة القلب لا يكفر بها، لاحتمال أن يكون ذلك عن ضعف إيمان وعدم محبة الكفر. Donc le cheikh il explique que cette catégorie de muwalat qui est al-muwalat al-fisqiyya, la forme de muwalat qui est un péché, qui est interdit mais qui ne fait pas rentrer quelqu'un qui le fait dans la mécréance et dans le kufr, c'est une muwalat qui est limitée ou restreinte. Et c'est le fait de prendre pour allié ou de s'allier au kuffar pour des intérêts de la dunya, tout en ayant une aqidah qui est saine, dans le sens que tu n'es pas d'accord avec leur kuffar, tu détestes leur kuffar et tu détestes les kuffar, mais tu les aides ou tu es avec eux pour une question ou un intérêt matériel ou quelque chose de la dunya. Ou bien tu les aides, et la chose pour laquelle tu les aides, c'est un intérêt personnel, ou bien une crainte, ou bien une animosité que tu as avec certains d'entre ceux que les kuffars combattent parmi les musulmans, mais c'est une animosité ou une haine pour quelque chose de la dunya. Tu as un problème avec des musulmans pour quelque chose qui a rapport avec la dunya, et tu combats donc les musulmans avec les kuffars pour cette affaire-là qui a rapport avec la dunya. Le cheikh, il dit, ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés, et ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Parce que le simple fait de défendre, défendre les kuffars en action, de faire une action qui implique que tu défends les kuffars contre des musulmans, sans le fait d'avoir la même aqidah que eux, et sans le fait d'être d'accord avec leur aqidah dans ton cœur, ça ne fait pas tomber quelqu'un dans la mécréance. Parce qu'il est possible que cette chose-là soit faite à cause d'une faiblesse de la foi, ou à cause d'une foi faible, mais pas à cause du fait que tu aimes le kufr. Donc il faut bien comprendre ça. Ça c'est très important. Un musulman parfois il va parfois combattre avec des kuffars contre d'autres musulmans, mais il les combat pas parce que il va pas combattre ces musulmans là avec les kuffars parce qu'il est d'accord avec le kuffar des kuffars ou parce qu'il aime les kuffars, mais uniquement pour un intérêt de la dunya ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas là on peut pas dire de lui qu'il est kafir, et le simple fait qu'il fasse cette action là ne veut pas nécessairement dire qu'il est automatiquement mécréant. Et ça, c'est des choses que les takfirines et les khawarij, eux, ils croient pas en cette catégorie-là, et ils prennent pas en considération ces détails que les ulama ont clarifiés dans les explications des paroles d'Allah et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des salafs. Donc, le cheikh commence à donner des paroles, des exemples, des explications des versets par les ulama. Donc il dit قال ابن عطية في المحرر الوجيز عند قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. انتهى كلامه. Donc on a cité cette parole plusieurs fois. C'est la parole d'Ibn Atiyya dans Al-Muharrar, le volume 5 à la page 128. On l'a mentionné pour le point justement de Al-Mu'alat Al-Kufriya. Donc si vous avez compris la première, qu'est-ce qui fait devenir mécréant, eh bien le cheikh en même temps il a mentionné les exemples de ce qui est fisqiyya. Donc il a dit le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et celui d'entre vous qui les prend pour alliés il est un des leurs, eh bien le cheikh il a expliqué à propos de ce verset, il a dit celui qui les prend pour alliés, c'est-à-dire qui les aime par rapport à leur croyance et à leur religion, alors dans ce cas-là, il est un des leurs dans la mécréance et dans le fait de mériter le châtiment et le fait de rester éternellement dans l'enfer. Toutefois, celui qui les prend pour alliés par ses actions seulement et qui les supporte ou des choses de ce genre, mais que ça n'atteint pas le degré de la croyance hein, et que ça ne vient pas annuler sa foi, hein, dans ce cas-là, la personne en question, elle est avec eux, elle est un des leurs dans la haine ou dans la colère plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala a pour eux et dans le blâme du fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, hein, qu'ils ont agi de cette façon-là, mais ils ne sont pas au même degré qu'eux dans la mécréance et des choses de ce genre. Donc ça, c'est la première citation. La deuxième citation, c'est une parole de l'imam Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, ou Zad al-Musir, et il dit donc dans le volume 2 à la page 378, « قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فيه قولان أحدهما من يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر والثاني من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر انتهى كلامه. Donc Ibn al-Jawzi explique dans son tafsir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, et il dit qu'il y a deux positions. La première, c'est celui qui les prend pour alliés dans la religion. Alors dans ce cas-là, il est un des leurs dans la mécréance. Toutefois, la deuxième position dit que celui qui les prend pour alliés, yani fil ahd, hein, celui qui les prend pour alliés par rapport à une entente qu'il a avec eux ou des choses de ce genre, dans ce cas-là, il est avec eux ici dans le fait d'avoir désobéi à l'ordre. Donc, c'est pas la même chose. Il n'est pas dans la mécréance. Donc, ça, c'est la fin de la citation en question de l'imam Ibn al-Jawzi. Il y a une autre parole après. C'est la parole du cheikh Tahir Ibn Ashur dans son livre At-Tahrir wa At-Tanwir, le volume 4 à la page 230. Il dit « لما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول » ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى تأويل إلى التأويل وقد تأولها المفسرون بأحد تأويلين يعني الأول إما بحمل الولاية في قوله ومن يتولهم على الولاية الكاملة التي هي الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام وثانيا إما بتأويل قوله فإنه منهم على التشبيه البليغ أي فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر ومالاتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الرقبة الإسلامية ولكنه ضلال عظيم وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة انتهى كلامه. Donc on a déjà cité cette parole dans les citations précédentes plusieurs fois au début du livre et dans le point qu'on a mentionné au dernier cours, et le cheikh il le recite encore une fois, c'est dans Tahrir wa Tanwir, je l'ai dit, le volume 4 page 230. Il dit: étant donné que le croyant, lorsqu'il croit en la croyance de la foi et qu'il a suivi le messager, n'a pas fait d'hypocrisie, dans ce cas-là, il est musulman, il n'y a pas de doute là-dedans. Et dans ce cas-là, le verset en question, c'est-à-dire le verset 51 dans Sourate Al-Ma'ida, il a besoin d'une interprétation. Et les savants de tafsir l'ont interprété par une des deux interprétations. Tu attaques la religion de l'islam. Hein, comme c'est le cas de certains parmi les musulmans qui vont chez les koufars par exemple, ou même qui sont dans les pays musulmans et qui déclarent ouvertement aimer et être satisfaits des principes et des croyances des koufars et de leurs idéologies et qui les défendent et qui considèrent que ces principes et ses idéologies et ses croyances des kuffars, qui sont des croyances de shirk et de kufr, sont meilleures que les croyances de l'islam, et qui vont commencer même à critiquer l'islam, critiquer la charia, critiquer la religion d'Allah, et opposer les croyances islamiques en se basant sur les croyances des kuffars. Ces gens-là, yani, ils ont pris pour alliés les kuffars d'une façon qui les fait sortir de l'islam, et dans ce cas-là, ils deviennent un des leurs. Donc ça, c'est des exemples de gens qui sont satisfaits de la mécréance, hein, et qui supportent une aqida qui est contraire à l'islam. Donc ça, c'est qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Toutefois, une autre interprétation par rapport à ceux qui yani, ne sont pas, par exemple, nécessairement en train de les prendre pour alliés par rapport à leurs croyances. Ils leur ressemblent dans certains éléments, hein, ils leur ressemblent dans certaines choses, donc sans que ce soit d'être satisfait de leur kufr ou de leur shirk, hein. Donc le shirk, il dit dans ce cas-là, il est un des leurs dans l'élément dans lequel il leur ressemble, et il est donc un des leurs dans le fait que il mérite le châtiment comme eux. Il mérite le châtiment. Et le cheikh, il dit ensuite que les savants de la sunna sont tous d'accord pour dire que si la personne n'a pas été satisfaite de la mécréance et ne s'est pas penchée vers leur kufr, yani, lorsqu'ils les ont pris pour alliés, dans ce cas-là, ça ne les fait pas sortir de l'islam dans ce cas-là. Mais c'est une forme d'égarement qui est très grande, et que c'est en différents degrés, c'est-à-dire qu'on peut le classifier en différents degrés par rapport à sa force, selon la force de l'allégeance de la personne et selon la force par rapport à laquelle il leur a ressemblé dans ces éléments-là. Donc ça, c'est la fin de la citation. Puis après, il dit « Wa taqaddama qariban taqsimuhu rahimahullah at-tanwir wa at-tahrir wa-t-tanwir al-muwalat ila thamaniyati aqsam minha muzaharatuhum li ajli qarabatin wa mahabbatin dun al-mayl ila dinihim wa hadha halatun la tujibu kufr sahibiha la tujibu kufr sahibiha. » Donc le cheikh explique que dans le cours précédent, on a expliqué une autre parole justement de Cheikh Al-Tahir ibn Ashur, et il dit justement que dans le même livre, le volume 3, la page 218, qu'il a divisé Al-Muwalat en 8 catégories, et parmi ces catégories-là, il a cité le fait de les aider ou de les défendre à cause d'un lien de parenté. Hein, et de les aimer à cause d'un lien de parenté, yani, non pas à cause de leur religion. Et il dit, dans ce cas-là, ça ne nécessite pas que la personne devienne mécréante. Naam. Donc ça, c'était la troisième parole citée par le cheikh ici dans les citations des ulama. La quatrième, c'est une parole de cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Il dit, « قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. Donc il explique بواسطتي وجادلهم بالتي هي أحسن هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة ولكن هل يكون منهم في الباطن نقول يمكن قد يكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة إذن من يتولهم منكم فإنه منهم في الظاهر وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم انتهى كلامه. Donc Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il explique le verset 51 dans Sourate al-Ma'idah, qui dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Et Allah ne guide pas les peuples injustes. » Donc ça c'est tiré d'un autre livre que le cheikh a écrit, ou d'un autre livre qui a été écrit sur le sujet, qui s'intitule « Wajadilhum billati hiya ahsan » qui est un livre qui réfute les takfiriens et leurs shubuhat, et c'est à la page 87 que cette parole est citée du cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Il cite donc le cheikh qui dit il est un des leurs en apparence, il n'y a pas de doute là-dessus, et il est avec eux, il est un des leurs en apparence dans le fait que il les aide et il les défend. Mais est-ce qu'il est un des leurs à l'intérieur, c'est-à-dire en lui-même? Donc, il est un des leurs en apparence, ça il n'y a pas de doute. À cause du fait qu'il les aide, qu'il les supporte. Mais est-ce que il est avec eux à l'intérieur, c'est-à-dire dans son cœur, est-ce qu'il est avec eux? Intérieurement, on va dire, Cheikh dit, on dit peut-être. C'est possible que cette aide qu'il leur donne, ou ce support qu'il leur donne, l'amène par la suite à les aimer, puis à suivre leur religion. Donc, le Cheikh dit donc, celui qui les prend pour alliés parmi vous, il est un des leurs en apparence. Et il est possible que cela le mène par la suite à ce que ce soit à l'intérieur aussi, en lui-même, qu'il soit avec eux réellement en lui-même dans son cœur. Parce que le fait de collaborer avec eux, ou d'être avec eux, eh bien, ça peut l'amener à partager par la suite la même croyance qu'eux. Et par la suite d'avoir les mêmes actions, les mêmes comportements que par la suite aussi. وربما يؤدي ذلك إلى الباطل ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم. انتهى كلامه. Ça c'est la réalité. Des fois, parfois, quelqu'un commence par une forme de mouwalat et au début c'est seulement en action, c'est pas nécessairement qu'il est d'accord avec le kufr ou le shirk des koufars et des mouchriquins, il est avec eux par ses actions ou des choses de ce genre sur certaines choses, certains éléments, puis à la fin, il commence à les défendre ou à être d'accord avec leurs croyances et à devenir petit à petit en lui-même d'accord avec ça. Ça, c'est dangereux. Mais il faut distinguer, il faut pas prendre tout élément de mouwalat comme si c'était automatiquement quelque chose qui fait sortir de l'islam. Il faut distinguer entre qu'est-ce qui est un péché et qu'est-ce qui est kufr, comme le cheikh il l'explique. Donc ça c'était la quatrième. Donc j'avais calculé 9 citations, mais en fait il y en a 10 parce que j'avais écrit 2 fois 4, 2 fois le numéro 4. Donc là c'est la cinquième. وقال أيضا في مجموع فتاوى ورسائل عن مودة الكفار لغير الدين. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما، فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين، لقوله تعالى لا تجد قوما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق انتهى كلامه. Donc le cheikh explique ici, il dit que dans son cheikh Ibn Uthaymeen, dans Majmou' Fatawa wa Rasail, le volume 3, la page 14, il dit, en parlant du fait d'aimer les kuffars pour autre que la religion, il dit, le fait d'aimer les kuffars plus que les musulmans, celui qui fait ça, il a fait quelque chose qui est un grand péché. Il a fait quelque chose qui est haram, hein, et sévèrement haram. Et il est obligatoire pour lui d'aimer les musulmans. Et il doit aimer pour les musulmans ce qu'il aime pour lui-même. Mais s'il aime les ennemis d'Allah plus que les musulmans, alors ça c'est quelque chose de très grave. Et quelque chose qui est sévèrement interdit. Et il n'est pas permis pour lui de les aimer, même moins que les musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui opposent Allah et son messager. Donc, et il mentionne un autre verset, le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés, leur offrant l'amitié ou l'amour, alors qu'ils ont rejeté la foi en ce qui est venu sur vous de la vérité. Fin de la citation. Ensuite, il mentionne les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son charh de Nawaqid al-Islam. Il explique et il dit que At-Tawalli ala Qismain. Il dit At-Tawalli, c'est divisé en deux catégories. Il dit Al-Awwal tawallihim min ajli dinihim. وهذا كفر مخرج من الملة والثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم وهذا محرم وليس بكفر انتهى كلامه. Donc le cheikh il divise التولي en deux catégories, fait de prendre le pouvoir pour allier, il le divise en deux catégories. Il dit que la première c'est le fait de les prendre pour allier à cause de leur religion. Et ça, c'est quelque chose qui fait sortir de la religion, qui est kufr. Et la deuxième catégorie, c'est yani, de les prendre pour alliés à cause d'un désir de quelque chose de la dunya. Et tout en détestant leur religion. Ceci est quelque chose d'interdit, mais ce n'est pas kufr. Donc ça, c'est la fin de la citation de Cheikh Al-Fawzan ici. Après le Cheikh il dit wa qala Cheikh ba'dahu lamma su'ila 'an ad-dalil 'ala 'adam kufri man a'ana al-kuffar 'ala al-muslimin ma'a bughd dinihim qala ad-dalil 'umum an-nahy 'an tawalli al-kuffar wa nahnu qulna hadha haram lakin idha kana yubghid dinahum wa yubghiduhum walakinahu a'anahum wa huwa ghayr mukrah فهذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم ويبغضهم ولكن فعله وتعاونه معهم محرم هذا يخشى عليه من الكفر انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que le cheikh a été questionné tout de suite après au sujet de la preuve du fait que cette personne qui a aidé les kuffars contre les musulmans tout en détestant leur religion, tout en détestant leur religion, n'était pas kufr. C'est-à-dire, ils ont demandé au cheikh la preuve à ce sujet-là. Et c'est quoi la preuve que la personne qui les aide tout en détestant leur religion ne devient pas parmi les kuffar. Et le cheikh il a répondu et il a dit que la preuve, c'est le sens général de l'interdiction de prendre pour allier les kuffars. Et nous avons dit à ce sujet que c'est haram. Mais si la personne, elle prend pour allier les kuffars tout en détestant leur religion et en les détestant eux aussi, si elle les a aidés et qu'elle n'a pas été contraint à le faire, on ne peut pas déclarer que cette personne ou juger que cette personne est dans le kufr. parce qu'elles détestent leur religion et elles détestent ces kuffars. Elles détestent le kuffar, yani le shirk de ces gens-là, et elles les détestent aussi pour ces choses-là. Mais elle a fait ce qu'elle a fait, elle a collaboré avec eux, ou elle les a aidés, ou elle les a aidés ou elle a collaboré avec eux. Ça, c'est le fait qu'elle ait fait ça, c'est quelque chose qui est haram. Et c'est quelque chose, on craint cette personne, hein. On craint que cette personne-là puisse tomber dans la mécréance par rapport à cette action-là. Sauf que ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Après, le cheikh, il dit... Donc après, il y a une autre citation. C'est la citation numéro 7. Le cheikh, il dit... وَلِهَذَا فَرَّغَ بَعْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ هَذِهِ السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا بَيْنَ هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا وأطلقوا على الموالاة المطلقة العامة التولي وأطلقوا على الموالاة المقيدة الموالاة وقالوا الموالاة كبيرة لأن الله تعالى خاطب بعض الصحابة الذين حصل منهم نوع موالاة للكفار بنداء الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أما التولي فهو كفر لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي الولاية العامة فمن هؤلاء الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله donc le cheikh il dit le cheikh Cheikh Usam ibn Abdullah, il explique que parmi les savants, il y en a qui ont divisé la question en employant deux termes différents. Donc, ils ont utilisé le terme tawalli pour désigner la forme de muwalat qui est absolue, c'est-à-dire celle qui fait sortir de l'islam. Donc, la forme de muwalat qui fait sortir de l'islam, ils l'ont appelé tawalli. Et la forme de muwalat qui est restreinte, qui est limitée, qui ne fait pas sortir de l'islam, ils l'ont appelé muwalat. Donc, le cheikh, il dit qu'ils ont dit que al-muwalat, c'est un grand péché et c'est pas quelque chose qui est kufr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à certains d'entre les sahaba. Chez qui est apparue une de ces catégories ou de ces formes de muwalat envers les kuffars en les appelant par la foi, puisque dans le verset 1 dans surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux en disant ô vous qui avez cru. Donc, ça prouve que c'est des croyants. Tandis que At-Tawalli, ils disent que ça c'est la forme de yani qui fait sortir de l'islam ou bien qui est kufr. Et ils mentionnent à ce sujet-là le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ C'est-à-dire Al-Walaya Al-Amma. Le fait de les prendre pour alliés de façon générale, de façon complète, absolue et générale. Comme par exemple le fait d'aimer leurs mécréances, d'aimer leurs kufr et shirk, et ainsi de suite. Toutefois, le cheikh il met une note de bas de page ici et il dit La mushahata fil istilah. Fasawa akulna inna al muwalat wa tawalli bi ma'nan wahid wa huma qisman kufr wa ma'siya. Aw kulna anna al tawalli akhassu min al muwalat fa al tawalli kufr wa al muwalat ma'siya fa al mu'addi wahid. Donc, le cheikh explique que ça, c'est des termes, des terminologies que les savants ont utilisées. Et il n'y a aucun problème à ce sujet-là par rapport à ça. Puisque, peu importe que tu dises que, par exemple, Al-Muwalat et Al-Tawalli, c'est une seule et même chose. et que tu le divises en deux catégories en disant que il y a une forme de mu'alat et de tawalli qui est kufr et une forme de mu'alat et de tawalli qui est péché, ou que tu dises par exemple, tu les divises, tu les sépares les deux, et que tu dises que at-tawalli c'est plus spécifique que al-mu'alat, et que at-tawalli c'est kufr, et que al-mu'alat c'est un péché, et le résultat c'est le même à la fin. Donc ça c'est pour clarifier, parce que tu trouves ça par exemple chez certains savants, ils divisent le terme, ils utilisent deux termes différents pour séparer les deux cas. Alors que d'autres savants non, ils vont utiliser comme Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a mentionné, qu'est-ce qu'on vient juste de citer dans sa parole, il a expliqué, il dit il y a deux formes de tawalli, il y a une forme de tawalli qui fait sortir de l'islam et une autre forme de tawalli qui ne fait pas sortir de l'islam, et yani, c'est le même, il a employé le même terme pour les deux. Non. Donc ensuite le cheikh, donc il explique, il donne des exemples de ça, comme par exemple le cheikh Abdullah ibn Abdul Latif al-Sheikh, il a fait cette division là et il mentionne dans le volume 8 à la page 422 dans Ad-Durar al-Saniya, il a dit التولي كفر يخرج من الملة وهو كالكذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل العداوة وبري القلم والتبشش لهم ورفع الصوت لهم انتهى كلامه. نعم. donc le cheikh dit يصدر كثير من الكتاب اليوم هذا النقل عن الشيخ في مؤلفاتهم يستدل به على التكفير بمطلق إعانة الكفار وتنزيلها على الواقع ويتجاهلون أنه يجب أن يحمل هذا على من أعانهم حبا لهم وانتصارا لدينهم حتى تأتلف عبارات العلماء ولا تختلف لأن هذا هو الذي رده الشيخ عبد اللطيف على من كفر بمطلق الموالاة أخذا بالإجمال والإطلاق وعدم معرفة مواقع الخطاب حين ذكر في الدرر السنية أن التكفير بهذه الأمور التي ظنها الغلاة من مكفرات أهل الإسلام هو مذهب الحرورية المارقين حين قالوا لعلي حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما وحين قال واصفا منهج أهل البدع الخارجين عن سبيل السلف الأمة في الدرر السنية قال وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من يسرق ويزني أو يشرب الخمر أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب انتهى كلامه بل هذا الذي اضطر الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله أن يفسرها لمن فهم هذا الفهم بقوله والمشايخ رحمهم الله إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم انتهى كلامه ولكن هؤلاء لا يعقلون وسيأتي مزيد بيان لهذا المنهج والتفصيل في الفصل التاسع. Donc le cheikh explique que ici le cheikh il a distingué entre at-tawalli qui fait sortir de l'islam, il a dit at-tawalli ça fait sortir de l'islam, puis il a donné des exemples comme le fait de les défendre, de les aider avec l'argent, le corps et l'opinion, hein. Puis après il a donné un autre exemple de al-mu'alat, il dit ça c'est un péché parmi les grands péchés, hein, comme le fait de leur donner des remèdes, de leur écrire avec gentillesse ou bien de de leur sourire ou des choses comme ça, de leur remettre leur fouet s'il est tombé, des choses comme ça. Puis le cheikh, il a mis une note de bas de page ici, et il a expliqué que parfois, certains auteurs contemporains ils vont prendre ces citations-là, par exemple cette citation du cheikh Abdel Latif al-Sheikh dans le volume 8 de la page 422 dans Al-Turar al-Saniya, pour essayer de prouver que le takfir, pour essayer de prouver ou d'essayer de montrer que si quelqu'un a aidé les kuffars, peu importe de quelle façon, et que automatiquement il rentre dans le kouf et qu'il sort de l'islam complètement. Et le cheikh explique que ces gens-là ignorent, ou bien ils font semblant d'ignorer, qu'il faut prendre ces expressions-là et ces paroles-là des ulama dans le sens de les aider tout en aimant leur religion et leur kouf et en défendant leur religion. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu prends pas les paroles des ulama en considération et tu les amènes pas ensemble. Tu prends pas en considération toutes les explications des ulama, tu prends juste une partie, puis tu la frappes avec les autres. Alors que si tu comprends comme il faut les principes et les bases et qu'est-ce que les ulama ont dit ailleurs dans d'autres citations, et bien là, ils clarifient et ils expliquent plus en détail qu'est-ce qu'ils veulent dire et puis ils ramènent les principes pour éviter justement quelqu'un tombe dans l'extrémisme à ce sujet-là. Et il dit, c'est exactement ce que le cheikh Abdel Latif a répondu lui-même à ceux qui étaient tombés dans le fait de déclarer les gens kuffars de façon absolue pour une forme de mu'alat, parce qu'ils se basent sur une parole générale et qu'ils ne connaissent pas les différents cas dans lesquels les explications, les paroles sont mentionnées dans quel contexte. Donc le cheikh il mentionne par exemple comme dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 1 à la page 466, que le fait de faire que certains extrémistes, certains parmi les roulades, ont pensé que on pouvait faire le takfir par ces choses-là, et les ont calculés parmi les formes de choses qui font sortir de l'islam ou qui sont parmi les éléments de kufr, et ils déclarent les musulmans kuffars en se basant sur ces choses-là. Et le cheikh lui-même, cheikh Abdel Latif, il dit justement que ça c'est la voie des Haruriya, que c'est la croyance et la voie des Khawarij parmi les Haruriya, al-Mariqin. Lorsqu'ils ont dit à Ali, justement, tu as pris pour juge les hommes dans la religion d'Allah, et tu as pris pour allié Muawiya et Amr, et tu les as tu les as pris pour allié. Donc le cheikh il les a déclarés comme faisant partie des Haruri, il y a ceux qui prennent les paroles des ulama dans ce sens-là. Et il a expliqué, lorsqu'il décrivait la méthodologie des gens de Bid'a qui sont sortis de la voix des salafs de la Ummah, il a mentionné dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 1, la page 478, il dit qu'il y a une différence entre le fait d'abandonner la salat, la zakat ou le jeûne, ou le fait de faire le shirk avec Allah, ou de dénigrer le mushaf, et entre le fait de voler, de faire le zina, ou de boire de l'alcool, ou de prendre les biens des gens, ou des choses comme ça. Ça, c'est, ou bien le fait que quelqu'un ait offert à des mécréants une forme quelconque d'allégeance ou d'alliance, dans le sens qu'il leur a offert une forme de mu'alat quelconque, comme c'est arrivé pour Hatib. Hatib, on a expliqué que qu'est-ce qui lui est arrivé, c'était pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Donc, et ça c'est également qu'est-ce que le cheikh Abdullah Al-Anqari a été obligé de clarifier et d'expliquer justement pour ceux qui avaient compris par cette mauvaise compréhension-là dans le volume 9 à la page 157 de Ad-Durar al-Saniya, il a dit, et les mashaykh, lorsqu'ils mentionnent Al-Muwalat, pour les mouchriquins, il l'explique en disant que c'est le fait d'être d'accord avec eux dans leur mécréance et de les défendre et de les aider et d'être satisfait de ce qu'ils font. Donc ça c'est la fin de la citation, mais il dit même malgré tout ces takfiriyin et ces khawarij, et je ne comprends pas. Et il dit que dans le chapitre 9, on va donner plus de détails de ce manhaj et détailler plus en yani détails pour répondre à ces questions-là. Naam. Donc après il y a d'autres exemples que le cheikh a donné sur ces questions-là. Donc nous on va se limiter uniquement à qu'est-ce qu'on vient de mentionner pour comprendre ces choses-là. Puis on va passer tout de suite à la dernière citation, ou pas la dernière citation, mais la dernière catégorie plutôt. C'est al-mu'alat, comment le cheikh l'a appelé. Il a appelé la première kufriya, la deuxième il l'a appelé fisqiya, et la troisième il l'a appelé ma'foun anha, c'est-à-dire qui est excusé. Les choses dans lesquelles on est excusé, et qu'est-ce qu'il mentionne dans la troisième catégorie? Al-mu'alat al-waqi'a fi al-zahir lid-darura. مع بغضهم وبغض دينهم في الباطن واعتقاد بطلان ما هم عليه فهذه جاء النص القرآني باستثنائها من النهي في موطنين. نعم. Donc il dit c'est une forme de moalat qui est apparue ou qui est arrivée et qui est causée par une nécessité. Une forme de moalat qui vient en apparence, mais à cause d'une nécessité, tout en étant accompagné de haine pour la religion du kuffar et de haine pour le kuffar à l'intérieur, et tout en croyant en nous-mêmes la fausseté de ce que les kuffar et les mouchriquins suivent comme religion. Et il dit qu'il y a des textes dans le Coran qui sont mentionnés et qui mentionne cette exception-là dans l'interdiction à deux endroits. La première endroit, al-mawtin al-awwal qad takunu ma'a idhar al-islam kama qala subhanahu wa ta'ala la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in إلا أن تتقوا منهم تقاتل. Donc le cheikh il mentionne dans le premier cas, il dit c'est possible que ce soit en même temps que quelqu'un par exemple il fasse paraître l'islam. Donc le premier cas c'est l'exemple de quelqu'un qui va montrer une forme de mu'alat au kuffar tout en montrant son islam, et il va expliquer en détail à ce sujet là et il mentionne le verset 28 dans Surat Al-Imran, le verset 28 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants, et quiconque le fait contredit la religion d'Allah à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Illa antattaqu minhum tuqatal. Donc c'est ça le verset en question. Donc l'imam At-Tabari l'explique dans son tafsir à ce sujet-là, le volume 3 à la page 152, il dit illa antattaqu minhum tuqat, illa an yakunu fi sultanihim. Fatakhafuhum ala anfusikum. فتظهر لهم الولاية بألسنتكم وتضمر لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل كما حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن علي عن ابن عباس قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة. Donc il explique que l'imam al-Tabari a dit sauf si vous craignez d'eux, hein, sauf que vous cherchez à vous protéger d'eux, il a expliqué que ça voulait dire excepté si vous êtes dans sous leur pouvoir, sous leur autorité, et que vous les craignez par rapport à vos personnes. Hein? Alors dans ce cas-là, vous leur montrez avec vos langues, hein, vous leur montrez une allégeance, une alliance avec vos langues et vous cachez en vous-même une animosité. Hein? Et vous ne leur, par contre, vous ne leur, vous ne leur montrez pas, yani, aucun accord, yani, sur qu'est-ce qu'ils ont comme coffre. Et vous ne les aidez pas contre un musulman dans l'action. Comme Al-Musanna m'a rapporté que Abdullah ibn Salih a dit, que Muawiyah ibn Salih a dit, selon Ali, selon Ibn Abbas, qui a dit que le verset 28 dans Sourate Al-Imran ne prenait pas, les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Il a dit que Allah a interdit aux croyants de montrer de la douceur envers les kuffars ou de les prendre yani, comme amis, hein, de les prendre comme proches, conseillers ou des choses comme ça, en dehors des croyants, excepté si les kuffars, c'est eux qui ont le pouvoir, qui sont au-dessus. Hein. Donc dans ce cas-là, tu leur montres de la douceur, mais tu les contredis dans la religion. Tu leur montres de la douceur, mais tu les contredis dans la religion. Et ça, c'est l'explication de la parole d'Allah lorsqu'il dit « Illa anta taqou minhum tuqad » excepté si vous vous protégez d'eux. Donc ça, c'est la fin de la première citation. Après, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir à propos de ce verset. Il dit « Wa qawluhu ta'ala illa anta taqou minhum tuqad » أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم. Donc il dit l'imam Ibn Kathir, il dit sauf pour vous protéger d'eux, il dit c'est-à-dire si vous craignez dans certains pays ou à certaines époques vous craignez leur mal, فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous avez le droit de vous protéger d'eux, yani, en apparence, et non pas à l'intérieur ou dans votre intention, c'est-à-dire dans votre cœur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, vous ne devez pas être d'accord avec eux en vous-même, dans votre cœur ou dans vos intentions. Ça doit uniquement être quelque chose que tu montres par rapport à l'apparence. Et il dit, قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إن لا نكشر لا لن إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari il rapporte يعني cette parole selon Abi Darda. Donc c'est comme si ici Abu Darda il dit, c'est-à-dire on sourit dans le visage de certaines personnes alors que nos cœurs les maudissent, hein, alors que nos cœurs les maudissent, c'est-à-dire on leur sourit mais nos cœurs, dans nos cœurs on les maudit. Et l'imam Thawri وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل وإنما التقية باللسان. Donc Ibn Abbas, il dit, c'est rapporté par Thawri, il a dit « At-taqiyya », le fait de se protéger par, c'est dans l'action, c'est pas dans l'action, c'est uniquement dans la, par la parole, par la langue. Et il rapporte aussi que Al-Awfi a rapporté ça, a rapporté une parole comme ça selon Ibn Abbas. Il a dit « Innama at-taqiyya bil-lisan ». C'est seulement par la langue. وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع وابن أنس ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. Donc il dit cette parole que التقية c'est uniquement par la langue. C'est supporté par d'autres, ça a été dit par d'autres également, comme Abu al-Aliya, Abu al-Sha'fa, al-Dahhak et Rabi' ibn Anas, et c'est supporté aussi par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 106, dans Surat al-Nahl, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur et dans la sérénité de la foi, c'est-à-dire donc dans les moments de contrainte, la personne, elle est forcée à dire qu'est-ce qui est kufr, dans ce cas-là, elle est excusée. Ça, c'est dans les moments de contrainte, dans les moments de menace et de nécessité. Donc dans ce cas-là, la personne, elle va et lui montrer même des paroles de kufr, elle est excusée, parce que elle est contrainte. Donc c'est par la parole seulement et non par l'action. Il dit ensuite قال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال فيه قولان أحدهما إلا أن تخافوا منهم فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. وبين ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى كلامه. Donc il dit ici que Ibn al-Arabi il a mentionné dans son livre أحكام القرآن. Lorsque il explique le verset, ça c'est dans son tafsir, lorsqu'il explique le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 28 dans Surat Al-Imran, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie sauf si c'est pour vous protéger d'eux, il dit il y a deux explications, deux positions par rapport à ce verset-là. Un, c'est que vous craignez d'eux, que vous ayez peur, si vous avez peur d'eux, dans ce cas-là, vous les aidez et vous les prenez pour alliés, vous alliez à eux et vous leur dites ce qui va détourner leur mal et leur tort en apparence d'eux, mais pas par la croyance, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'être d'accord avec leur croyance, d'accepter leur aqida ou des choses comme ça dans votre cœur, mais c'est seulement en apparence. Il a expliqué ça en mentionnant le verset 106 dans Surat al-Nahl pour expliquer que ça a rapport avec les situations de contrainte. Lorsque quelqu'un est sous la contrainte, il est excusé. Tant que son cœur reste correct et que sa croyance reste vraie et sincère et ferme. Il dit ensuite وقال ابن القيم في بدائع الفوائد قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومعلوم أن التقاه ليست بموالاة ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم. انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Qayyim explique le verset 28 dans Surat Al-Imran. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à la fin فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. Excepté si vous craignez pour vous protéger d'eux. Donc le cheikh l'imam Ibn Qayyim dit, on sait très bien que le fait de vouloir se protéger d'eux, c'est pas une forme de mu'alat. Mais étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre les kuffars pour alliés, ça implique que tu dois les détester et te désavouer d'eux et leur montrer en tout instant ou en tout moment une animosité. Excepté si vous craignez un mal quelconque de leur part, dans ce cas-là, vous êtes permis, il vous est permis de vous protéger d'eux, mais cette protection que vous faites, cette façon de cacher l'animosité que vous avez envers eux, ça c'est pas une mu'alat, ça c'est pas une forme d'alliance avec eux ou de mu'alat. Fin de la citation. قال الشوكاني في فتح القدير عند قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Shawkani dit dans son tafsir Fath al-Qadir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il explique le verset 28 dans Sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Sauf si vous craignez d'eux, pour vous protéger d'eux, excepté pour vous protéger d'eux », il dit « Ça c'est la preuve qu'il est permis de faire la mu'alate pour eux lorsqu'on a la crainte, lorsqu'on a peur d'eux, lorsqu'on a peur de kuffar. Mais c'est seulement en apparence, et non pas à l'intérieur, c'est-à-dire pas dans le cœur. » Et il dit qu'il y a certains parmi les salafs qui ont contredit cela et qui ont dit qu'il n'y a pas de taqiyya après que Allah ait donné la puissance, la fierté à l'islam, la force à l'islam. Donc ça c'est la fin de la citation. Après il mentionne les paroles de l'imam Shinqiti dans son tafsir Adwa al-Bayan dans l'explication du verset en question. يدي وفي تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وذكر في هذه الآية الكريمة أن من يتولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور وهو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا وإيضاح أن محل ذلك في حالة الاختيار أما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. انتهى كلامه. Donc l'imam ici Shinqiti, il explique dans Adwa al-Bayan volume 2 à la page 110, il explique le verset 51 dans Surat al-Ma'idah quand il dit celui qui les prend pour allier il est un des leurs. Il dit ce verset est au sujet de la personne qui prend les juifs et les chrétiens pour allier parmi les musulmans, et ça dit que il sera un des leurs pour avoir pris ces gens-là pour allier. Et il a expliqué dans un autre endroit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans un autre endroit que ça c'est lorsque la personne yani, ne les a pas pris pour allier à cause d'une crainte ou pour se protéger d'eux. Et si c'est parce qu'il a eu peur d'eux ou qu'il veut se protéger d'eux, dans ce cas-là, il est excusé. Et c'est là que, c'est là où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset, donc dans le verset 28 dans Surat Al-Imran, hein, que le croyant ne prend pas pour allier les mécréants, en dehors des croyants. Et celui qui le fait, alors, dans ce cas-là, celui qui fait cela, il contredit la religion d'Allah. À moins que vous cherchiez à vous protéger d'eux. Donc, il dit ce verset, ce noble verset, clarifie les versets, les autres versets qui nous interdisent de prendre pour allier les pourquoi de façon générale. Et il vient expliquer et clarifier donc que les cas dans lesquels la personne a pris pour allier les pourquoi, c'est dans les cas où il est il le fait volontairement. Il le fait volontairement. Mais lorsque c'est fait par rapport à la crainte ou se protéger des pourquoi, dans ce cas-là, il est excusé. Il est excusé de le faire, et de les prendre pour allier selon la quantité qui est nécessaire pour éviter leur mal. Et il y a une condition à ceci, c'est que il n'y ait pas en lui-même, en son cœur, aucune forme de moualat pour eux. Que ce soit uniquement dans l'apparence, mais pas dans la parole, mais pas dans le cœur. Et c'est un exemple qui fait partie des choses qui ont rapport avec les cas de nécessité, les cas où il est forcé, la personne est contrainte, ou des choses comme ça. Et il dit, on comprend aussi donc le sens apparent des versets, de ces versets-là, on comprend donc le sens apparent de ces versets-là, que celui qui prend les kuffars volontairement et intentionnellement, les kuffars pour allier, par amour pour eux, qu'il est un kafir comme eux dans ce cas-là. Ça c'est la fin de la citation. Et il dit, وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الآية في تفسيره وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل إليهم والركون إليهم وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين ولاية من ولايات المسلمين ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعتصمون به دماؤكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. Donc, le cheikh, il explique que, dans son tafsir de ce verset, que ce verset est une preuve qu'on doit s'éloigner des kuffars. On ne doit pas vivre avec eux et les prendre pour amis, et de pencher vers eux et d'être, de chercher le support, de chercher leur support. Et que cela n'est pas permis. On a le droit de prendre pour amis le kafir, ou de donner au kafir une responsabilité parmi les responsabilités des musulmans, des choses qui ont rapport avec les intérêts généraux des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 28, dans Surat Al-Imran, excepté si c'est pour vous protéger d'eux, c'est-à-dire que vous craignez pour vos personnes, vous les craignez par rapport à vos personnes, dans ce cas-là, il est permis pour vous de faire ce qui va protéger vos seins, protéger votre sein hein, de vous protéger d'eux par la langue en leur montrant ce qui va permettre de vous protéger. Donc ça c'est un autre exemple. Puis il mentionne une autre parole, c'est la parole du Cheikh Tahir ibn Ashour, lorsqu'il dit, en expliquant les huit différents cas de Mualat, dans le volume 3, la page 220, il dit Al-Halatu Thamina, Halatu Idhar al-Mualat ilahum, l'Ittiqa id-Dar, l'Ittiqa id-Dur. Aïnam. وهذه هي المشار إليها بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل. Donc sauf si il explique que ça c'est de leur montrer une forme de mualat pour se protéger de leur mal, et il dit que ça c'est qu'est-ce qui est indiqué dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si c'est pour yani vous protéger d'eux, et l'exception est ici dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit excepté pour vous protéger d'eux. Il dit منقطع ناشئ عن جملة فليس من الله في شيء لأن الاتقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة لكنه أشبه الولاية في المعاملة. انتهى كلامه. Donc il dit le verset illa attaqu minhum tuqa, c'est une exception par rapport c'est une exception dans le verset, c'est-à-dire dans le verset cette partie-là vient pour souligner une exception à qu'est-ce qui est mentionné juste avant, c'est-à-dire la phrase où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Donc excepté celui qui le fait pour chercher à se protéger d'eux. Donc le fait que quelqu'un cherche à se protéger d'eux, donc ça veut dire que il ne rentre pas dans cette catégorie là de ceux qui ont contredit la religion d'Allah ou qui ne font pas d'Allah, et c'est qu'est-ce qui ressemble au fait de les prendre, vous voyez, dans les interactions, dans les actions, pas dans la croyance, dans le cœur. Et il cite après une parole du Cheikh Al-Fawzan, pour donner le dernier exemple par rapport à cette première situation-là, c'est dans le sharh de Nawaqid al-Islam, Cheikh Al-Fawzan dit « Ajuzul al-Muslimin an yudaru al-Kuffar idha khashi al-Muslimun min sharri al-Kuffar fa'innahum yudarunahum qala ta'ala لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني الذي يتولى الكفار بالمحبة والمناصرة والمظاهرة فقد تبرأ الله منه إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي المداراة. إذا خشي على المسلم من شرهم وليس هذا من الموالاة بل هو من دفع الضرر عن المسلمين. Donc le cheikh il explique que il est permis aux musulmans d'interagir avec les kuffars, de leur montrer, comme par exemple il dit yudaru, donc de leur montrer comme il explique souvent le cheikh Al-Fawzan, il dit al-mudara, c'est le fait que tu donnes au kuffar quelque chose dans la dunya pour préserver ta religion. Donc, tu leur donnes quelque chose dans la dunya qui vont faire en sorte qu'ils vont te laisser en paix. Ils ne vont pas te faire du tort, ils ne vont pas te faire du mal lorsque tu crées un mal de leur part. Donc, tu agis avec eux pour te protéger d'eux dans les affaires de la dunya. Donc, il explique ici dans le verset 28. Il dit, c'est-à-dire, tu les prendras pour allier, excepté si, tu veux te protéger d'eux. Le croyant ne prend pas les mécréants pour allier. C'est-à-dire, celui qui les prend pour allier par amour, pour les défendre, hein, et pour leur donner la victoire contre les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué d'eux. Il dit yani, que cette personne-là, il n'a rien à voir avec Allah. Excepté si yani, il agit ainsi pour se protéger. C'est-à-dire il agit d'une manière avec les kuffars dans les affaires de la dunya, dans le but de se protéger d'eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Lorsque le musulman, il craint le mal des kuffars, eh bien, il n'y a pas de, il n'y a pas dans ça de mal. Ça fait partie de al-mu'ala. Il dit ça, c'est dans le but de repousser un mal qui peut arriver aux musulmans. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Donc à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, hein, Allah vous met à l'égard, Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. C'est à Allah le retour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le cheikh ensuite, فَنَحْنُ مُدَارِيهِمْ بِأَنْ نَدْفَعَ شَرَّهُمْ بِأَنْ نُعْتِيهِمْ مِنَ الْمَالِ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ أو ما يريدون من أمور الدنيا فليس هذا من الموالاة وإنما هو من المداراة لدرء شرهم منه إلا أن تتقوا منهم تقى والتقى والتقية والمداراة بمعنى واحد. Donc, le cheikh il explique, il dit donc que excepté pour vous protéger d'eux, c'est-à-dire d'appliquer avec eux al-mudarat. Al-mudarat, ça veut dire si tu crains, le musulman il craint le mal des kuffars, hein, il veut pas yani, il veut pas que un tort l'atteigne par rapport au yani, par rapport mais yani, de la part des kuffars, il veut pas que un mal lui arrive de leur part. Et bien dans ce cas-là, il repousse leur mal en leur donnant quelque chose, de l'argent ou quelque chose d'autre de la dunya qu'ils veulent, que les kuffars veulent, parmi les choses de la dunya. Et ça, c'est pas une forme de mu'alat. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mudara. C'est dans le but de repousser le mal des kuffars. Il dit, illa an tattaqu minhum tuqa. Donc, excepté pour vous protéger. Donc, at-tuqa et at-taqiyya et al-mudara, c'est dans le même sens. C'est dans ce sens-là. Il dit, walamma talab al-kuffar min al-nabi sallallahu alayhi wa sallam an ya'budu Allah sana. والرسول صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم سنة نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك أو أن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم فلا يجوز التنازل عن الدين من أجل إرضاء الكفار مهما كلف الأمر. Donc le cheikh il dit, toutefois, lorsque les kuffars ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des compromis dans la religion, hein, et il leur a dit, bon, on va adorer Allah avec toi une année, puis l'autre année, la nuit suivante, tu vas adorer nos idoles avec nous. Si on va faire un échange comme ça de religion. Une année, c'est ta religion, puis l'année d'après, c'est le shirk. Une année, le tawhid, une année, le shirk. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit ça. Il lui a révélé le verset, dans le verset Suratul Kafirun. Les versets de Suratul Kafirun. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dis au Muhammad à ses mushrikins, hein, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je ne vais pas adorer ce que vous adorez, et vous n'allez pas adorer ce que j'adore, à vous votre religion et à moi la mienne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux messagers sallallahu alayhi wa sallam de répondre à cet appel de la part des mushrikins. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire ce genre de compromis dans quoi que ce soit des choses de la religion pour leur faire plaisir ou pour les satisfaire. Donc il n'est pas permis aux musulmans de faire des compromis dans la religion dans le but de faire plaisir aux kuffars, peu importe qu'est-ce que cela peut demander ou coûter. Ensuite, le cheikh il donne l'exemple du deuxième cas, et on va terminer avec ça. Al-Mawtin Thani, le deuxième cas, le premier cas on a dit, c'était lorsque on se protège d'eux, donc on montre notre islam. Toutefois, il y a un autre cas dans lequel le musulman il est forcé de cacher son islam, parce que sinon il va se faire tuer ou des choses comme ça. Et il mentionne des exemples de cette catégorie-là. Ça, c'est, il cite le verset 25 dans Sourate Al-Fatih. Ça peut arriver dans certains cas où un musulman il est dans un pays du kuffar ou des mouchriquins et qu'il est, il est forcé de cacher son islam, sinon on va le tuer. C'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est arrivé à d'autres époques aussi. Donc ça c'est du cas particulier. Le cheikh il dit قال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. C'est le verset 25 dans Sourat Al-Fatih. Le verset en entier, lorsqu'on lit la traduction, il dit c'est, ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée, qui ont empêché que les offrandes entravées parviennent à leur lieu d'immolation. Si, et c'est ça que le cheikh a expliqué. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les mécois que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Ensuite, il dit, tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les mécois. Et là, si c'était signalé, c'est-à-dire si on pouvait les reconnaître parmi les mécois, eh bien, Allah les aurait fait châtier. Donc, on voulant dire que, pourquoi les musulmans n'ont pas attaqué? Parce que parmi les habitants de la Mecque, il y avait des croyants qui vivaient parmi les mécréants et qu'on ne pouvait pas désigner, et qui allaient être tués de la même manière que les mouchriquins. Pour éviter ça, éviter que les croyants soient frappés parmi les mécréants, eh bien, Allah ne leur avait pas permis ça. Et il mentionne le tafsir de ces versets. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكن لكنا صلتناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضرائهم ولكن بين أثنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل ولهذا قال تعالى لو تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم أي معرة أي اسم وغرامة. Donc c'est ce que je disais, le chef il explique que parmi vous il y en a qui cachaient leur foi, parmi les croyants il y en a qui cachaient leur foi à cause de la crainte qu'ils avaient de leur peuple, ils craignaient pour leur vie dans leur peuple. Donc, si c'était pas d'eux, si ce n'était pas d'eux, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait donné le pouvoir sur eux, et vous les auriez, tués et combattus et pris, ce qui leur appartient, ainsi de suite. Mais, à cause des croyants, qui sont parmi eux, que vous ne connaissez pas, au moment du combat, il ne vous a pas permis de les combattre. Et si vous les auriez, si vous les auriez connus, et s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'un acte répréhensible, c'est-à-dire d'un péché. Le cheikh mentionne un autre exemple ici. Il dit « وذكر الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن ثلاث حالات تختفي فيها البراءة. فقال في الدرر السنية أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن. وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر وإنما النزاع في إظهار العداوة. فإنها قد تخفى لسبب شرعي وهو الإكراه مع الإطمئنان وقد تخفى العداوة من مستضعف معذور عذره القرآن وقد تخفى لغرض دنيوي وهو الغالب على أكثر الخلق وهذا إن لم يظهر منه موافقة انتهى كلامه. Donc le cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit qu'il y a trois cas dans lesquels on peut cacher le désaveu. Le désaveu des mushrikin, et il explique dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 8 à la page 305, il dit la base c'est que tu désaveux, que tu te sépares complètement des mushrikin et du kuffar, par le cœur, par la langue et par le corps. Et il dit, le cœur du musulman, il ne se sépare jamais de la haine du kafir. Mais la dispute ou le désaccord est uniquement à propos du fait de montrer l'animosité. C'est possible que cette animosité-là soit cachée à cause d'une raison qui est permise dans la charia. Par exemple, le cas de la contrainte, tout en ayant la sérénité de la foi dans le cœur. Et c'est possible aussi que cette animosité-là soit cachée, à cause d'une faiblesse qui est excusée par le Coran, par exemple. Et c'est possible aussi qu'elle soit cachée, qu'on la voit pas, à cause d'un intérêt de la dunya. Et ça, c'est qu'est-ce qui est le plus courant chez les créatures. Et ça, c'est lorsqu'ils ne montrent pas d'accord ou le fait d'être en accord. Et donc, ça, c'est la fin de la citation. Après, il dit وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن dans الدرر الثانية, le volume 8 à la page 359, il dit مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. فالأول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il mentionne cette parole Abdul Latif ibn Abd al-Rahman dans Ad-Durar al-Saniya le volume 8 à la page 359. Il dit la question de montrer l'animosité, c'est pas la même chose que la présence, c'est pas la même question que la question de la présence de l'animosité. C'est deux choses différentes. Donc, montrer l'animosité et avoir de l'animosité, ça c'est deux choses. Il dit la première, eh bien, elle peut être excusée de montrer l'animosité avec une incapacité ou une crainte. c'est-à-dire s'il y a une incapacité ou une crainte. Comme par exemple le verset 28 dans Surat Al-Imran, où tu te protèges d'eux. Ou bien, il dit le deuxième cas, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire la présence de l'animosité, de la haine, du kufr et des kuffars, ou du shirk et du mushrikin. Ça, c'est obligatoire de l'avoir. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le fait de renier le ta'arut, c'est-à-dire de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَلَازُمٌ كُلِّ. Qu'il y a un rapport direct, hein, et complet et entier entre le fait de renier le ta'arut et d'aimer Allah et son messager. Tu ne peux pas les séparer. Il faut que, si tu aimes Allah et son messager, il faut que tu rejette le ta'arut. C'est quelque chose, tu ne peux pas t'en séparer si tu es un croyant. Donc, celui qui, par contre, donc celui qui désobéit à Allah en délaissant le fait de montrer son animosité, lui, il a désobéi à Allah. Hein? Mais c'est pour montrer qu'il y a une différence entre le fait de montrer cette animosité-là et le fait de ne pas pouvoir la montrer dans certains cas, et le fait de l'avoir toujours dans le cœur. Je trouve qu'on prend ça comme il faut. Après le Cheikh Dibal, « Rubbama yashhadu ba'd al-muslimin al-qital ma' al-kuffar mukrahan taqiyatan fil amal kama taqaddam fima rawa al-Tirmidhi wa hassanahu al-hakim wa sahahahu wa lamma kana yawma badrin waji'a bil-asara faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إلا سهيل ابن بيضاء. Donc ici il explique qu'il est même possible que certains musulmans soit parmi ceux qui vont au combat avec les kuffars contre les musulmans par contrainte, hein, ou parce qu'ils veulent se protéger des kuffars dans l'action, comme ça a été rapporté par Tirmidhi et ça a été déclaré Hassan, et Al-Hakim il l'a authentifié. Il dit que le jour de Badr, on a ramené les prisonniers. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne laissez aucun d'entre eux partir, excepté si c'est par une rançon ou parce qu'on l'a exécuté, on lui a coupé la tête. Donc soit qu'on le libère par une rançon, ou bien on donne une rançon, les coupables ont donné une rançon pour lui, ou bien qu'il sera tué. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit au messager d'Allah, excepté Suhail ibn al-Bayda, parce que il a entendu mentionner l'islam, c'est-à-dire qu'il était musulman. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit excepté Suhail ibn al-Bayda, hein, parce que il y en a parmi les gens qui étaient avec les mushrikin qui ont été forcés de venir, que s'ils ne venaient pas dans le combat contre les musulmans, ils allaient être tués par les mushrikin. Donc dans ce cas-là, hein, ils sont excusés. Et Cheikh l'Islam, il dit dans Minhaj Sunna al-Nabawiyya, le volume 5 à la page 121, عن الكفار, il dit à propos des kuffars, وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه ويشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh l'Islam, il dit, c'est possible que, les kuffars combattent les musulmans, et que parmi eux, il y ait un croyant qui cache sa foi, et qui participe au combat avec eux, parce qu'il n'a pas été capable de faire la hijra, hein, et il a été contraint à combattre. Et au jour de la résurrection, il sera ressuscité selon son intention, comme c'est rapporté dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Il dit ya'udhu 'a'idhun bil bayt fa yub'athu ilayhi ba'thun fa idha kanu bi bayda'in bi bayda'a min al-ard kusifa bihim fa qultu ya rasul Allah فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته فهذه أقسام الموالاة الكفرية والمحرمة والمباحة ولا يدخل في شيء منها ما ذكرناه في الضوابط الثلاثة عشر السابقة كما يعتقد من لا فقه عنده. Donc, le cheikh il explique, pour terminer, il dit donc, il mentionne le hadith, il dit que quelqu'un va venir chercher protection auprès de la maison, de la Kaaba, et il va être renvoyé avec une expédition ou une armée des mouchriquins probablement, et lorsqu'il arrive vers un endroit, un bâtiment ou une construction, eh bien, la terre va avaler cette armée. La terre va avaler cette armée. Et, ils ont dit, quelqu'un a demandé au messager d'Allah, que va-t-il advenir de celui qui était contraint, c'est-à-dire qui était parti, mais contre son gré. Et, il a été avalé avec eux, mais il va être ressuscité au jour de la résurrection, avec son intention. Son intention, ce n'était pas de combattre les musulmans, mais il a été forcé, donc il va être ressuscité selon son intention. Et ça, c'est la fin du hadith. Donc, ces exemples-là qu'on a mentionnés, des catégories de mu'alat qui sont kufr, qui sont fisq, qui sont muharram, qui sont péchés, qui sont excusés et permises, ça n'a rien à voir avec toutes les 14 règles. 14 principes qu'on a mentionnés déjà auparavant. Ça ne rentre même pas dans ces catégories-là, parce que les 14 règles, c'est des cas où ça ne rentre même pas dans Al-Wala ou Al-Bara. On a expliqué le fait de prendre l'aide des Mouchriquins, tous les exemples qu'on a mentionnés dans ces 14 points-là qu'on a mentionnés, ça ne rentre pas dans ces trois catégories-là. Ça, c'est quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que le chef, il dit, contrairement à ce que pensent les gens qui n'ont aucune compréhension, ils pensent que ça rentre dans que les 14 points qu'on a mentionnés rentrent dans ces trois classifications là, alors que ça n'a même pas de rapport avec la question de Al-Wala ou Al-Bara en partant. Donc on va s'arrêter ici, puis le prochain cours inshallah on va commencer le dernier chapitre. Le dernier chapitre qui est le chapitre numéro 9. Et puis on a bientôt terminé le livre. C'est le dernier chapitre. Donc le dernier chapitre commence de la page 298 et il termine à la page 328. Donc il reste encore quelques pages. Et dans ce chapitre-là, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des exemples de citations, quatre exemples de citations qui sont utilisées ou qui sont mentionnées pour distinguer quand est-ce que Al-Mu'alat fait sortir de la religion ou non, puis comment parfois certains ont été mélangés par rapport à cette question-là dans certaines de ces citations. Puis, donc on va parler de ça pour terminer. Puis après, on verra comment on va parler de la question de la Al-Wala ou Al-Bara chez les Hizbiyyin. Comment eux, pour eux, comment c'est appliqué chez eux et comment c'est compris chez eux. Donc on verra comment on va adapter la deuxième partie de ce cours, Inch'Allah, après qu'on ait terminé ce dernier chapitre, le chapitre 9, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.